bonjour à tous et bonsoir à tous et bienvenue pour la 11e émission Last Underground, les nouveaux enregistrements européens. Voilà, donc pour cette 11e émission, ça sera sous le règne du solstice d'été, c'est-à-dire la fête de l'Ita. Alors, entre parenthèses, la fête de l'Ita, c'est une fête païenne qui est en fait à l'opposé de la fête du Yule, donc plutôt en hiver. C'est aussi le jour le plus important de l'année pour les anciens cultes solaires. Voilà. Alors donc, au travers de cette émission, on retrouvera donc du pagan folk et du néo-folk. Et ça, c'est entièrement normal du fait justement du thème de l'émission. Mais on retrouvera aussi quelques titres de néo-industrial, néo-classical et post-industriel. Donc, voilà, une émission assez chargée. On va commencer tout de suite avec un titre du dernier album de Blood and Sun. On en parle juste après. Ça s'appelle Dusk Sanctuary. Titre de Blood and Sun, Dusk Sanctuary. Alors, Blood and Sun, j'en avais déjà passé, déjà, je crois, il y a 2 à 3 émissions. Donc, c'est un groupe qui nous vient de Brooklyn, New York. Et donc, Blood and Sun a déjà fait quelques albums depuis 2016. Et donc aussi en fait entre le néo-folk et la dark folk. Alors il s'agissait d'un titre en fait du dernier album, donc toujours on est toujours un petit peu là en ce moment toujours sur la dernière production, un album datant donc de 2020 qui s'appelle Love and Ashes, avec une très belle pochette d'ailleurs. Donc voilà pour Blood and Sun. On va passer tout de suite avec un titre de Death in Rome Et ensuite, on passera Lindy Faella. Et je parlerai bien sûr du groupe Death in Rome et ensuite de Lindy. Voilà, on passe tout de suite deux titres. Slowly for a round now. Voilà pour donc ces deux titres qui viennent de suivre. Alors pour donc le premier titre, ce fut donc Death is Rome. Alors on va en parler tout de suite parce que alors il faut savoir que Death is Rome est un groupe allemand qui quelque part font de la déviation, du déviationnisme. Alors le déviationnisme, j'en avais déjà parlé au niveau musical, c'est bien sûr le groupe slovène Laibar qui a commencé en fait à faire du déviationnisme, alors c'est-à-dire reprendre en fait des titres connus, des groupes connus mondialement. Et à dévier totalement les titres originaux dans leur style propre, c'est-à-dire soit industriel pour l'Ibar ou Death is Rome dans le domaine du néo-folk ou de la dark folk. Alors voilà, Death is Rome ont cette particularité de reprendre en fait des classiques intemporels. Alors le titre que j'avais passé, c'était Warm Machine. Alors c'est tiré d'un album quand même qui date un peu de 2016. Et en fait, c'est une reprise des grands titres connus de Kate Bush, The Pet Shop Boys, les Beatles, Kaoma, etc. Toutes les chansons en fait originales sont reprises et complètement déviées par le groupe. Alors le groupe a quand même a été extrêmement controversé de par en fait la nature, du moins de ce qu'il présente en termes d'image. Alors, on pourrait associer complètement le groupe de par son image à Dessin June. En fait, les deux pochettes d'album, c'est vrai, font vraiment penser à ce que pourrait faire Dessin June. Et même des symboles d'ailleurs ressemblent étrangement à ce que propose Dessin June sur leur pochette d'album. Alors, on ne sait pas si c'est du déviationnisme et de la parodie ou si c'est sérieux. En fait, le groupe est vraiment ambigu dans la façon de proposer en fait sa musique. Donc, on a vraiment du mal à le situer. Et d'ailleurs, c'est tant mieux. Je trouve ça plutôt bien, moi, justement, de qu'il ne soit pas véritablement classé quelque part. Obligatoirement. En tout cas, les titres, les reprises. Bah d'ailleurs, on va passer du Death is Rome à Death is Rome tout au long de l'émission, un petit peu. Et il y aura un autre album, ça sera Hit Parade. Pareil, c'est en fait une reprise des Hit Parades intemporales des années 90-2000. Voilà pour ce groupe allemand. Donc le deuxième titre, eh bien, ce fut Lindy Faye Ella. Alors, qui c'est Lindy Faye Ella? Eh bien, c'est tout simplement la chanteuse qui contribue au groupe Wardruna. Alors, vous connaissez bien sûr Wardruna, ce groupe scandinave avec ses musiques vraiment assez mystiques, mythologiques, tirées de l'époque de l'âge sombre des Vikings. J'en avais déjà parlé d'ailleurs lors de d'autres émissions. Donc vraiment c'est vraiment vraiment sympathique. Alors Lindy Faila, c'est son premier album en fait en solo hors du groupe. Alors on sentira quand même un petit peu l'ambiance de Wardruna. Il y a une évidente en fait touche de l'ADN sonore de Wardruna quand même tout au long de l'album, même si certaines critiques pensent quand même qu'elle s'est un peu écartée du style, mais je trouve pas, parce que je pense qu'il y a deux titres sur la playlist que je vais proposer, et c'est vrai qu'on sent quand même une certaine influence toujours scandinave, un peu mystique. Voilà pour cet album, c'était un album de 2019. Voilà, c'est le seul album pour l'instant qu'elle a fait en solo. Voilà, et on va tout de suite donc passer par un autre groupe, Albireon, et on en parle juste après. in hands by morning. They were gone. We trembled orders to hold them rain by summer. Down with all my deepest thoughts, I saw you in camps down, catching dragonflies on the gravel road. Dreamt of you dancing barefoot in my childhood fields. I dreamt of you, my love, playing hide and seek. Sometimes I wonder when we stop dreaming. I wonder who will bring us flowers. Sometimes I wonder why we're passing through winters fast. To winter fast, to winter fast, to winter fast, to winter fast. Voilà pour donc Albion. Alors Albion est un projet italien. Alors il a commencé en 1998, hein, il se produit toujours. Donc ça vient en fait de la volonté de David Borghi, qui en fait qui est au chant, guitare et parole, et de Carla Baggia Gargiunti, qui est en fait au clavier, piano et flûte. En fait ils ont mis en fait quelque part leur, leur force et diverses expériences musicales pour créer en fait une ambiance qui s'apparente à du néo-folk, voilà. Alors il faut savoir que ils ont été assez connus à un moment parce qu'ils avaient fait une démo et ils avaient reçu l'aide précieuse du guitariste d'Ataraxia, Vittorio Vandelli. Alors d'Ataraxia j'en avais déjà passé pas mal, un groupe extrêmement connu dans différents domaines underground. Et donc ils avaient en quelque part fait une démo et ils ont vraiment eu beaucoup eu d'expérience, voilà, avec cela. Donc on peut dire qu'ils sont vraiment entre la dark folk, qui des chansons un peu balades, un peu des fois qui peuvent faire penser un peu à une ambiance un peu médiévale. Voilà pour Albion, enfin pour le titre d'Albion, bien sûr, c'était Chug Winter, donc qui était une sorte de médiéval mix, comme quoi j'en parlais tout à l'heure, donc de cet aspect un peu médiéval chez Albion, groupe italien. Voilà, on va passer tout de suite à 1920 et ensuite Nitzland. Deux titres donc avec 1920, Fire Will, et ensuite Vala Rising. Voilà, pour le deuxième trip de deuxième titre pour Nitzland. Thank you. Thank you. Voilà pour le dernier titre qui vient de passer. Donc, c'était à Nitzland. Et on parlera juste du groupe d'avant qui est passé. Mais on va s'intéresser à Nitzland. Alors, Nitzland, c'est intéressant. Parce que, en fait, alors ils nous viennent au départ, c'est un projet expérimental du cœur de la Sibérie, donc de la Russie. Et vous aurez remarqué quand même quelque part des influences liées un petit peu à Wardruna. C'est tout à fait normal, parce que quelque part, il y a aussi des aspects un peu chamaniques et rituels. Et en même temps, ils sont classés un peu dark epic folk. Voilà pour ce groupe. Alors, c'est une musique folklorique inspirée en fait des chamans de la nature sibérienne, des rythmes chamaniques et des vieilles épopées islandaises de l'Edda. Donc, ce qui leur donne en fait un son atmosphérique assez unique d'ailleurs. On s'y intéressera un petit peu plus près. Donc, voilà. Pour ce groupe Nitzland. Alors juste avant c'était 1920 qui est un projet de martial industriel polonais. Voilà, qui ont des pochettes d'ailleurs extrêmement intéressantes liées à l'Europe et aux symboles européens. Voilà pour 1920. D'ailleurs, on s'y intéressera lors de prochaines émissions. Voilà, tout de suite, on va passer Death et Natalis et on en reparle juste après. It's a terrible thing to watch self-destruction. Voilà pour le dernier titre. Voilà pour le dernier titre. Vous l'aurez peut-être reconnu, c'était bien sûr le groupe Death in Rome. Death in Rome. Alors avec Destroy She Said. D'ailleurs, ça fait penser un peu à She Said Destroy de Death in June, du moins pour le titre, mais pas pour la musique. Alors, il faut savoir que ce dernier titre-là de Death in Rome est tiré d'un album qui s'appelle Hit Parade. C'était leur premier album uniquement. Donc, j'en parlais tout à l'heure, de reprises datant de l'époque 90-2000. Donc, voilà, c'était un excellent titre avec une orchestration véritablement impressionnante, je trouve. Et puis, c'est vrai que c'est assez rigolo d'avoir tous ces titres un peu de chanteurs, chanteuses et tout, complètement de groupes, des grands hit parades reprises comme ça, d'une manière un petit peu quelque part, un peu martial folk, néoclassique, industriel. Voilà. Donc pour ce dernier titre, alors juste avant je me suis trompé, c'était pas Dice Natalis, mais c'était Solwenn. Alors Solwenn, qui c'est? C'est un artiste en fait qui nous vient d'Allemagne et qui s'inspire quelque part des écrits de Dionysien, de la solitude solaire et la mélancolie automnale. Donc c'est un projet donc Darkfolk. Il a fait pour l'instant un album, Solwen. Alors c'est un personnage qui fait pas mal de choses, hein, qui fait de la photo, qui écrit, etc. etc. Qui a pas mal de cordes à son arc. Et donc c'est un passionné donc de musique folk, de la nature, etc. Donc voilà, c'était un titre vraiment sympathique, assez classique dans le domaine du néo-folk. Ça s'appelait Main Son Wayne Dane. Voilà, excusez-moi pour la prononciation un petit peu allemande. J'ai un petit peu du mal avec ça, voilà. Donc on va tout de suite maintenant passer à un autre titre, donc de 1920, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc ce projet polonais, c'est Call of Blood. Voilà pour le titre de 1920, Call of Blood. Alors, Call of Blood est tiré donc de l'album 1920, donc ça s'appelle 1920. Mais il faut s'intéresser, bien sûr, je vous le disais tout à l'heure, aux pochettes, à l'aspect artistique sur leur pochette d'album, parce que c'est vraiment absolument magnifique. Moi, j'aime vraiment quelque part l'aspect symbolique de ce qu'ils représentent quelque part musicalement. Voilà, donc pour 1920, on va passer, donc je le disais tout à l'heure, à Death Natalis. Alors, Death Natalis, c'est un projet extrêmement intéressant, ça date quand même. Alors, Death Natalis, pour l'anecdote, en latin, ça veut dire jour de naissance. Donc c'est le jour de... En fait, Death Natalis, c'était le jour de fête de l'ancien dieu romain du soleil, Sol Invictus, voilà, originaire de la partie de Saxe. Donc ce groupe est allemand et a été monté quelque part par Tobias et Norbert Stroll. Voilà, donc c'est un groupe qui au départ a officié pas mal dans le domaine de l'EBM, de la dark web néoclassique, et ensuite s'est orienté vers quelque part, s'est orienté vers le néo-folk et la dark folk. Voilà, mais sinon ils ont pas mal dans les années, dans certaines années, à l'époque de l'électro-body music, ils avaient quelque part eu un certain succès. Et donc, ils ont ensuite un petit peu été plus dans le folk acoustique, etc. Voilà, donc pour ce groupe, on va tout de suite se passer le titre Rain. Your civilization is only another form of fog and ice beasts, rain washed away from the place. The rain of tomorrow, rain of today, rain of sorrow, rain of pain, rain of tomorrow, rain of today, rain of sorrow, rain of pain, rain of tomorrow. Sorrow, rain of pain, rain of tomorrow, rain of today, rain of sorrow, rain of pain. Men hard in uniform and burning wheels turn through the time, and armies marching on in the rhythm of an open war. My heart is beating fast, and Nadyard speaks from hopeless signs. Four drums for falling gods, and rain washed through and bursting time. The rain of tomorrow, rain of today, rain of sorrow, rain of pain, rain of tomorrow, rain of today, rain of sorrow, rain of pain, rain of tomorrow. Rain of sorrow, rain of pain, rain of tomorrow, rain of today, rain of sorrow, rain of pain. Thank you. Voilà pour le dernier titre qui venait de passer, c'était le titre de Blood on Sun tiré du dernier album. Donc le titre c'était Until the Dawn. Alors juste avant, juste après en fait Dies Natalis dont j'avais parlé, c'était In Rings avec le titre Tidar Fit HPH. Alors, qu'est-ce que c'est In Ring? Alors, c'est un projet qui date de 2002. Et oui, ça date. Ça a été fondé par Terry Collia et Alex Shield. Et ils nous viennent de Détroit, des États-Unis, voilà, du Michigan plus particulièrement. Alors, ils sont classés plutôt de l'American Experimental, Folk et Neofolk, Dark Folk. Alors, faut le savoir qu'ils produisent toujours. Le groupe a quand même pas mal d'albums en son actif. 7 albums, donc le dernier album en date est Seed of the Past. Voilà pour le dernier titre. Alors, moi personnellement, j'aime bien Days in Ruin. C'est vrai qu'on pourrait, ça me pourrait faire penser un petit peu au groupe Rom et un petit peu aussi à Dessin June quelque part. Il y a pas mal d'influence liée quand même à Dessin June. Bon, sinon le groupe est véritablement très bon dans la plupart de ses productions. Voilà. Et donc bien sûr le dernier titre là tout de suite c'était Blood on Sun. Donc on en passe un petit peu petit peu quelques-uns là au fil de la playlist. Voilà. On va tout de suite passer par Nitzland. On revient donc sur Nitzland, toujours avec cette ambiance un peu mystique et chamanique, avec Sigdrivaspil. Starts to fall and squawking claws of an unknown predator, lost to tribes of insane hordes and devoured in a sickly desert of fowls that break and bend and suffocate and frighten. The ancient words of each man's work are felled by the devil's cross. Condemn the confessor. His name is barred through the war of sins that drip on heaven's tongue. Voilà, voilà pour le groupe. C'était juste le dernier titre là. C'était un titre du groupe Ex Whistle. Alors, Ex Whistle avec le titre Wayward Confessor. Alors, Ex Whistle, c'est assez. C'est un projet intéressant qui fait un peu dans le une sorte de new folk psychédélique. Alors, c'est assez marrant parce qu'il se présente en fait. Comme une musique en fait, quelque part, une fois des productions qui s'appelle Psychedelic Forest. Alors, c'est très lié en fait à la nature, aux esprits de la nature, et ils sont classés donc en Finlande comme folk rock. Voilà pour Ex Whistle, c'est intéressant, ça s'intéressera au projet. Ce titre est tiré en fait d'un album, du tout dernier album, Kindred, voilà, datant d'ailleurs de 2020. Donc encore dans cette playlist de nouvelles productions et de nouveaux albums. On va continuer avec Albion, alors toujours ce groupe italien que j'ai présenté tout à l'heure, avec un titre Spig. Alors, faut savoir que ce titre est une reprise du groupe Sonagal. Alors, si vous vous rappelez, Sonagal, on en a déjà parlé. Donc, groupe néo-folk, dark-folk, voilà. On va passer tout de suite donc cette reprise du groupe italien Albion. Thank you. nell'oscurità, il freddo amaro ospite schiaccia ogni bianco stelo nella polvere. Schiaccia ogni bianco stelo. Было мне знакомо в черном доме Изобретатели трудились в воронках. И спал одетый в неземной истоме. В царском кителе больной орленок. Voilà, voilà pour le dernier titre. Là, c'était tout de suite donc Majanek Words. Voilà, et juste avant, bien sûr, le groupe italien Albireon avec bien sûr son titre Spig qui était une reprise de Sonagal. Voilà, Majanek Words. Alors, c'est russe, ça nous vient de donc de Russie. Donc, Majanek Words, c'est un projet quand même assez intéressant qui nous vient de la ville de Ryazan. Voilà. Qui a été fondé par Pavel Blufkin. Alors, ils sont plutôt dans le genre dark folk, neo folk, dark ambient, industrial, noise, etc., etc. Ça, c'est large en fait quelque part. Et la chose intéressante, c'est que moi, je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ils s'inspirent de pas mal de styles. Et de groupes comme Current 93, d'ailleurs on l'a remarqué, qu'on connaît, bien sûr, qui était une entité à côté un peu de The Same June, et s'inspire aussi de Swans, Liebar et même de Johnny Cash. Comme quoi c'est quand même assez large, et un peu du Dark Funeral. Alors, comme quoi c'est vraiment extrêmement large. Ils ont produit pas mal, ils ont un certain groupe de fans, ils sont assez bien suivis d'ailleurs hein, comme groupe. Donc on reviendra sur Majanek Walls parce que c'est vraiment intéressant. Voilà, on va continuer. On va continuer toujours avec la Russie. Décidément, c'est vrai que la playlist, il y a pas mal de groupes russes. C'est Théodore Bastard, on en parle juste après. Hey! pour donc Théodore Bastard. Alors, ça serait plutôt Fedor the Bastard, en fait, Fedor le bâtard. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quelque part, il y a deux noms. Mais le nom original, en fait, c'est Fedor le bâtard. Alors, c'est donc, comme je disais, un groupe russe. Le titre, c'était Bjorn Garden. Alors, c'est vrai que il y a des relents de musique un peu médiévale, scandinave, etc. Et donc, le groupe est vraiment intéressant parce que déjà, il a officié dans pas mal de domaines, même le trip-hop, pour vous dire. Mais il compose des musiques qui peuvent être en fait à la fois proches du monde archaïque et de la technologie moderne. Voilà. Les textes combinent en fait des textes en anglais et des textes en russe avec des aspects chamaniques. C'est ça qui est intéressant. Et donc c'est Yana Veva et Fedor le Bastard qui composent uniquement la musique au sein du groupe. Ils enregistrent aussi, alors l'anecdote c'est qu'ils enregistrent des bandes sonores pour des jeux vidéo extrêmement populaires. Alors c'est un peu l'aspect, alors je pense un peu à des jeux comme The Witcher, des choses comme ça. Je ne sais pas si vous connaissez, mais quelque part des jeux en fait qui s'inspirent en fait du monde médiéval, de la fantasy, voilà, lié à la mythologie, etc. Donc c'est vraiment intéressant. On verra aussi quelque part dans ce groupe, ils ont créé en fait tisser un peu des toiles assez complexes, comme un labyrinthe, enfin c'est comme ça qu'ils se définissent. Quelque part ça part un peu dans tous les sens, il faut bien comprendre leur musique qui est quand même plutôt profonde. En tout cas le titre est vraiment très bon, hein, le dernier titre. Voilà, on va passer deux titres à la suite. Alors il s'agit de Soon and Stall, groupe germanique, et ensuite au groupe luxembourgeois Rome, et on parlera des deux titres ensuite. Tout de suite Soon and Stall avec War Drome. le monde les plus grandes et les plus légitimes espérances. Voilà pour donc le titre de dernier titre. Alors on va en parler tout de suite parce que vous allez être étonnés. Enfin pour ceux qui suivent l'émission, la Stand the Ground, les nouveaux enregistrements européens. J'ai déjà passé Rome, le groupe luxembourgeois qui fait en fait principalement dans pas mal de domaines, mais principalement dans le domaine de la dark folk et no folk. Et alors là, il s'agit d'un album assez spécial. C'est un album expérimental. Alors, c'est extrêmement intéressant parce qu'il s'agit en fait d'un travail sur des boucles de musique industrielle, des arrangements bruitistes non conventionnels et des collages ambiants instrumentaux. Voilà, alors on aura reconnu la voix du Maréchal Pétain. Juste un petit moment. En fait, l'album en fait est vraiment consacré à véritablement à l'ambiance, si vous voulez, l'ambiance de la Première Guerre mondiale et de la Seconde Guerre mondiale. D'ailleurs, il y a des titres véritablement étonnants comme Les Volontaires 1939, La Gueule des Canons, Derrière les Barricades. La jeunesse, celui-là c'était L'Ordre Nouveau, etc., etc. Donc c'est vraiment intéressant. Alors forcément, c'est assez spécifique à écouter, hein. C'est quand même de ce qu'on appelle de l'expérimental et de l'abstract. Mais ça peut être intéressant à rajouter, par exemple sur une bande sonore, etc., etc. Ça peut être intéressant à remettre en place, en fait, quelque part. Donc on dira que la production de Rome, là, c'est un des premiers albums véritablement, et qui en fait nous fait dans l'expérimental du groupe Rome. Donc c'était l'album, en tout cas, de 2020. Donc encore de cette année, c'était Garten und Strassen. Voilà pour donc le groupe Rome. Alors juste avant, c'était un titre très martial, comme vous l'aurez reconnu. Avant Rome, c'était donc le groupe Sohn und Stahl. Alors Sohn und Stahl, c'est un groupe allemand. Et le titre juste avant, c'était donc Sohn und Stahl avec le titre Wardrome. Donc comme je l'avais dit tout à l'heure, Wardrome est tiré en fait de l'album Statu Quo, qui date de 2020, encore de cette année. Et alors le groupe... Le groupe est assez quand même intéressant, dans le sens où il propose quelque part un style un peu martial, industrial, martial ambiante, néoclassical, qui nous parle en fait du passé, du présent et de l'avenir de l'Europe. Voilà donc pour le groupe Sohn und Stahl. Alors il y a aussi quelques particularités, c'est qu'en fait les pochettes sont vraiment excellentes, véritablement, des photographies noir et blanc, véritablement, des iconographies véritablement intéressantes. D'ailleurs la dernière pochette du groupe Sohn und Stahl représente un aigle impérial avec deux épées en fait dans les griffes et au milieu un soleil noir. Voilà. Donc un soleil noir au milieu avec des lettres un peu gothiques au-dessus. Enfin vraiment, c'est la pochette est vraiment impressionnante. Donc voilà, je vous conseille un petit peu d'aller voir ce groupe. C'est intéressant, cette production allemande est vraiment intéressante et officie uniquement dans le martial industriel. Mais ça, on l'aura reconnu avec le titre Wardrome. Voilà, tout simplement. Alors on va tout de suite passer à Selwyn, à cet artiste allemand qui nous fait dans le néo-folk, dark folk, lié à la nature, etc. Et ça sera l'avant-dernier titre de l'émission. Et je reviendrai avec le dernier titre, le dernier groupe pour l'émission. On clôturera donc cette 11e édition liée au solstice, à la fête de l'Ita. Voilà, on continue donc avec Selwyn, avec Die Mandelblut. Den ersten Frühlingshau, schimmerste voll milder Güte, in des Sonnens Nächten auch. Erste Boote bringen Betriebe, die strahlen ab vom Mandelbaum. Zauberhaft wie neue Liebe, wundergleich wie ein Traum. Verspricht die Blüte, kannst du leise, erstrahlt zu voller Pracht und Wald. Willst du auch das letzte Eise vom Herzen, das vom Winter kalt? Steht der Baum in höchster Farbe, dem Morgen gleich ein helles Rot. Betreibt der Mandel Feuergabe, auch des Winters letzte Not. Weise, erstrahlt zu voller Pracht im Wald, schmilzt nun auch das letzte Eise vom Herzen, das vom Winter kalt. Und steht der Baum in höchster Farbe, dem Morgen gleich ein helles Rot, vertreibt der Mandel Feuergabe, auch des Winters letzte Not. sing ich laut nun meine Reime zum Wohl auf deine Sommersgüte, auf dich nur von dem besten Weine, auf die schöne Mandelblüte. Voilà, donc pour l'avant-dernier titre de cette émission, cette 11e édition, dont la Standalone, les nouveaux enregistrements européens. Donc bien sûr, c'était Solwenn avec Die Mandelblut. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. Vous m'entendez un petit peu mieux, il y a un petit problème de micro sur plusieurs émissions. Je n'ai pas pu régler ça, donc là, apparemment, ça a l'air un petit peu plus... on va dire meilleur, voilà. Donc j'espère que ce solstice, le thème solstice vous a plu, cette fête de l'Ita vous a permis peut-être de veiller un petit peu à travers certains titres mystiques, chamaniques, etc. C'est extrêmement intéressant, en tout cas sur pas mal de nouvelles productions, il y a eu encore pas mal de nouveaux titres, nouveaux albums, etc. à présenter, voilà. Alors on va se quitter, avec Death in Rome. On avait commencé, on avait commencé avec Blood and Sun, mais ensuite Death in Rome. On a eu quand même 3 titres de Death in Rome, c'est pas rien. Donc avec le titre Wrecking Ball de l'artiste dégénéré Miley Cyrus. Voilà. Alors bien sûr, c'est encore une déviation du groupe Death in Rome, forcément. Et c'est extrêmement intéressant. Moi, franchement, j'adore vraiment le style. Que ça soit une parodie, une déviation, peu importe le positionnement, mais en tout cas, j'aime beaucoup dans la façon dont c'est réinterprété ces tubes, voilà, commerciaux par ce groupe allemand. Voilà. Donc, je vous laisse, chers camarades. Je vous dis à bientôt pour la 12e émission de Last on the Ground, les nouveaux enregistrements européen. Allez, à bientôt. Don't you ever say I just walked away. I will always want you. I can't live a life running for my life. I will always want you. I came in like a wrecking ball. I never hit so hard in love. All I wanted was to break your walls. All you ever did was let's make it. Like a